Salut tout le monde, je suis très heureux de prendre la parole pour un message qui va être court, c'est promis, et à la fois qui est hyper important puisque c'est une nouvelle grande soirée en 2030 glorieuse qui s'annonce, sans doute la dernière de l'année. Et je vous donne rendez-vous le 3 octobre au Souffle du Nord à Lille, c'est juste à côté de Lille, en fait c'est à Marcq-en-Barœul. Assistez avec nous à un enregistrement d'abord du podcast 2030 glorieuse, il y aura deux temps. Un premier, c'est donc ce live avec des personnes qui ont déjà participé au podcast et peut-être que vous avez déjà eu dans vos oreilles. Il s'agira de Marie Petit, des Petits Écolos, Laura Jane Gauthier, journaliste Impact, Alice Longuépée de la Nef. Pour rappel, Marie Petit, elle, était prof en nature dans le podcast et Alice Longuépée défendait le rôle de banquière itinérante. Et puis, juste ensuite, on vous invitera à continuer ce voyage en 2030 glorieuse avec notre atelier de libération des imaginaires, le voyage en 2030 glorieuse qui va vous permettre de reprendre collectivement le pouvoir des utopies. Tout ça, c'est au 34 route de la Haute Loge, je vous le disais, à Marcq-en-Barœul, c'est de 18h à 21h le 3 octobre. Pour s'inscrire, c'est hyper simple, vous allez sur le site 2030glorieuse.org, dans la catégorie « Participer à un voyage », vous aurez toutes les infos et vous tomberez rapidement sur notre Hello Asso pour prendre une place. C'est forcément à prix libre et conscient. On commence les 2030 glorieuses dès cette expérience de paiement pour vous donner la possibilité de valoriser à sa juste valeur l'expérience que vous allez vivre. Et si vous n'arrivez pas à trouver l'information, même si je suis sûr que c'est le cas, vous allez pouvoir aussi tomber sur cette information, que ce soit sur le compte LinkedIn 2030 glorieuses, le profil Instagram, etc., etc. Si jamais vous avez l'occasion de venir avec vos proches, avec des personnes avec qui parfois vous avez soit des conversations enthousiasmantes sur ces sujets et avec qui vous avez envie de faire chauffer vos méninges utopiques, soit avec qui de temps en temps vous avez des conflits sur ces questions et avec qui vous avez envie d'avoir une conversation enfin épanouissante, enfin positive, enfin qui apporte des progrès dans le cheminement de l'un et de l'autre, n'hésitez pas, ça sera vraiment le format. Et puis en plus, c'est au Souffle du Nord, c'est vraiment un incubateur de bonnes idées, de bonnes initiatives, de bonnes manières de faire communauté. Donc moi, je suis très très content de venir vous voir et j'espère vous voir forcément le plus nombreux, le plus nombreuses possible. Donc je vous dis à très vite. Allez, salut!